J'ai du respect pour cette femme qui élève seule son gosse. Vu que son bâtard de gars la tête dès qu'elle était enceinte. Mais malgré ça, elle reste fière et elle assume. Elle remplit son rôle de mère malgré toutes ses blessures. Elle taffe grave pour que son enfant manque de rien. Tous ses proches le savent et il la laisse dans son chagrin. À 22 ans, elle se retrouve seule dans une vie active. Dans un monde d'argent sale, le sien est propre pour sa petite fille. L'influence du ghetto n'atteindra pas sa vie de famille. Elle se lève dès que sa petite perle pousse un cri. Elle dort peu et taffe beaucoup trop. Les cernes sous ses yeux confirment qu'elle se dépense pour remplir leur frigo. C'est triste à dire, mais y a trop de femmes dans cette situation. Je leur dédie ce texte car elles méritent notre attention. En revanche, je baisse les hommes conscients de tous leurs actes et qui laissent une femme seule surmonter autant d'obstacles. Peu importe ce que réserve l'avenir, on doit faire face, garder la tête haute pour s'en sortir. Baisse pas les bras, ce qui doit arriver arrivera. Fonce tête baissée, regrette rien, le tout c'est de rester droit. Peu importe ce que réserve l'avenir, on doit faire face, garder la tête haute pour s'en sortir. Baisse pas les bras, ce qui doit arriver arrivera. Fonce tête baissée, regrette rien, le tout c'est de rester droit. Tu trouves ça grave, mais la réalité n'est pas autrement. À l'heure qu'il est une femme, encaisse les coups d'un mari violent. Et ça c'était qu'un passage de ce qu'elles endurent. Moi j'ai du respect pour cette femme dans ce monde d'ordures. Certains trouvent ça normal de passer leur nerf sur leur épouse. Des coups et blessures sur un visage en pleurs et poussé à bout. Avec l'alcool, il oublie ce qu'il a fait la veille. Du coup, elle vit dans la crainte et ne trouve plus sommeil. Soupille à vie sans bien avec ses straps du comptoir. En rentrant tard, il lâche là parce que son assiette est froide. Respecte celle qui donne vie à ta descendance. Tes excès de zèle la pousseront dans la descente. En ce moment même, elle pense sûrement au suicide. Un regard vide pour des rêves ternes, la mort est sa seule sortie. En ce moment même, elle pense sûrement au suicide. Un regard vide pour des rêves ternes, la mort est sa seule sortie. Je vais partir. Tu vas partir. Peu importe ce que réserve l'avenir, on doit faire face, garder la tête haute pour s'en sortir. Baisse pas les bras, ce qui doit arriver arrivera. Fonce tête baissée, regrette rien, le tout c'est de rester droit. Peu importe ce que réserve l'avenir, on doit faire face, garder la tête haute pour s'en sortir. Baisse pas les bras, ce qui doit arriver arrivera. Fonce tête baissée, regrette rien.